quand j'suis dans les nuages. Les yo y'en veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'en a peu franc, j'suis dans les nuages. Y'en a peu franc, j'suis dans les nuages. Les yo y'en veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'a de la peur, je suis dans les nuages. J'suis dans le bank, c'est j'entends crier à la fuite. J'suis dans le bank, c'est j'entends crier à la fuite. Les Yankees se pressent, mais j'leur dis qu'y'en a plus. J'suis dans le bank, c'est j'entends crier à la fuite. Je ne fais que commencer, frérot tu sais comment c'est. Si tu ne sais pas comment c'est, contente-toi de commenter. Les sourcils jamais froncés, le passé sombre comme le teint du daron. J'ai le vécu noir foncé et le pécule chaud à gonfler. Caroncillé dans la tête, c'est la reggae dans ma tête. Ici frérot rien de chouette, ça sort les outils pour se rouler. Y'en a peu frais, j'suis dans les nuages. Les gars y'en veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'en a peu franc, j'suis dans les nuages. Y'en a peu franc, j'suis dans les nuages. Les gars y'en veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'en a peu franc, j'suis dans les nuages. J'suis dans le bank, c'est j'entends crier à la fuite. J'suis dans le bank, c'est j'entends crier à la fuite. Les Yankees se pressent, mais j'leur dis qu'y'en a plus. J'suis dans le bec, c'est j'entends crier à la fuite. Je ne vois que la mine quand il s'agit de vagues. J'manie le flingue comme je manie le mic. Tellement de swag, marié à la strip, mais j'ai pas mis l'embague. J'fais ce que j'rime comme avant, et les soucis sont pires comme avant. Mais j'attrape le sourire de maman quand je regarde le sourire de maman. Les concerts sont complets en avance, les produits se réservent à l'avance. Passe au checker, frérot, on t'arrange. On a déjà ce qu'ils auront en avant. Mais Al, frère, on paye. Adidas, Zen de Wayne. Rien spécial, frère, on swing. J'ride pas, j'route, j'fais l'oseille. Reste calme, reste tout doux pain. Où l'engin frappe, où l'on peigne. Lève-te pour la tresse, dans le plus doux de la pince. Haute scène comme la colombienne. J'm'en bats les couilles que les cons deviennent. J'mange à tiaboudienne. En space jam, en attendant, j'ai la wave pain, bitch. Y'a de la peur, franchue dans les nuages. Les yo yo veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'a de la peur, franchue dans les nuages. Y'a de la peur, franchue dans les nuages. Les yo yo veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'a de la peur, franchue dans les nuages. J'suis dans le bec, c'est j'entends crier